Agathoclès, ou Lettre écrite de Rome et de Grèce au commencement du IVe siècle, de Caroline Pichler. Tome 4e, lettre 80e. Calpurnie à son frère Lucius Pison. Nicomédie, avril 303. Il y eut un temps où je ne connaissais le chagrin et les larmes que de nom, où un léger nuage, un souci, une contradiction, seul malheur qui puisse m'atteindre, était bientôt dissipé. Et ne paraissait dans mon existence que pour augmenter encore l'éclat de mon bonheur. Ô temps heureux, qu'êtes-vous devenu? Il me semble à présent que je n'ai vécu jusqu'à ce moment que dans le beau songe de l'enfance, et que le bonheur ne peut exister, dans toute sa réalité, que dans le lieu de ma naissance. Ô Rome, ô Hespérie, ô ma belle patrie, pourquoi vous ai-je quitté? Comme tout y était différent, comme mon sort était digne d'envie, et qu'il est actuellement triste et malheureux. Je ne reverrai plus ma Sulpicie. Il y a un mois que je reçus d'elle une lettre déchirante, et je la reçus au moment où une autre liaison, bien chère aussi à mon cœur, venait de se dissoudre et de me plonger dans la plus amère douleur. La lettre de ma pauvre amie vint me frapper d'un nouveau coup. C'était l'annonce de sa mort, presque ses adieux. Je l'avais craint l'année dernière, lorsque je la vis dans cette malheureuse villa de Saint-Iome, d'où il m'arrive toujours des sentiments pénibles. J'avais repris un peu d'espoir lors de son mariage. Elle me parut se ranimer, mais c'était un bien-être factice, suite de son agitation. Bientôt, elle retomba plus bas encore. À présent, sa situation empire chaque jour. Elle n'est plus en état d'écrire. Peut-être qu'au moment où je te parle d'elle, elle n'existe plus. Oh, ma Sulpicie, innocente et infortunée victime du plus ardent amour. Avant-hier, je reçus une lettre de Tiridate, dictée par un profond désespoir. À présent qu'il est à la veille de la perdre sans retour, sa patience se réveille avec force. Hélas, c'est son inconstance, sa tiédeur qui l'ont conduite au tombeau. Quelle contradiction dans le cœur de l'homme! Il m'écrit que les médecins l'ont condamné, mais il ne peut supporter cette idée. Il s'attache au plus léger fil, et malgré cet arrêt, un rayon d'espoir pénètre encore dans son âme. Pauvre Tiridate, il n'en sera que plus malheureux lorsqu'il l'aura perdu pour jamais. Malgré ses torts et sa légèreté, je le plains d'autant plus que son propre cœur lui fait des reproches. Cependant, si l'amour avait cessé, l'amitié et tous les bons procédés ont succédé. Mais ce n'était pas assez pour la trop sensible Sulpicie. Le don de sa main, celui de sa couronne, n'ont pu la consoler de n'être plus aimée comme elle aimait elle-même. Voilà donc comme la bonté et la sensibilité sont une source de tourments. Mais pourquoi sommes-nous bons? Pourquoi chacun n'agit-il pas d'après ce que la froide raison et son intérêt lui conseillent, sans s'embarrasser des autres? Ah, les égoïstes sont les seuls heureux. Et plus j'avance dans la vie, et plus j'en suis convaincu. Guerre contre guerre, ruse contre ruse, indifférence pour indifférence. Celui qui sait être heureux en dépit du sort et des hommes n'est-il pas, dans le fond, le plus sage? Le droit du plus fort est la loi de la nature. Ce droit doit exister aussi dans la société, avec la différence que l'esprit, l'adresse et l'égoïsme remplacent les forces physiques. Soyons donc les plus adroits, si nous avons l'esprit de l'être, et de savoir tirer de cette courte vie un peu de bonheur. La mort arrive, nous réduit en poussière. Et n'est-il pas bien égal alors que l'on est aimé que soi, et que l'on n'ait pas été dupe ou victime de ses sentiments? Lorsque je te quittais, Lucius, que je montais si gaiement sur le vaisseau. Pourquoi? Pourquoi quelque divinité ne vint-elle pas me faire connaître le sort qui m'attendait? Pourquoi n'en eus-je pas le plus léger pressentiment? Je serais resté sur le sol bienheureux de ma patrie. Qu'allais-je faire en Bithynie? Hélas, une cruelle, bien cruelle expérience des peines de la vie. Perdre tout ce que j'aime d'une manière ou d'une autre, être poursuivi par ceux que je hais, et ne plus voir ceux que je voudrais oublier, et que tout me rappelle à chaque heure du jour. Sais-tu qu'Agathoclès est marié, qu'il vit à Saint-Iome, que de souvenirs enferme ce seul mot? Et moi aussi j'ai vécu à Saint-Iome, j'y ai rêvé le bonheur, mais lui le trouve en réalité car il adore sa compagne. Pour obtenir de son père le consentement à son mariage, il a renoncé à l'immense héritage d'Égésippus. Tu sais que je ne suis pas avide de richesse. Cependant, je trouve que c'est un grand sacrifice de renoncer ainsi à toutes les commodités et aux jouissances que la fortune peut procurer, surtout lorsqu'on y est accoutumé. Un père qui peut l'exiger de son fils unique ne mérite pas ce sacrifice, ni un fils tel qu'Agathoclès. Mais lorsque je l'appris, tout en blâmant la facilité avec laquelle il a consenti à être déshérité, je ne pus me défendre de l'en estimer encore davantage et d'envier le sort de celles à qui on fait un tel sacrifice. Les sensations que j'avais éprouvées de cette nouvelle n'étaient pas encore affaiblies, que de nouvelles mortifications vinrent augmenter et cette estime et ma douleur de n'être plus l'ami d'un tel homme. Il s'est cependant conduit en ami, et je lui ai des obligations essentielles, mais tu dois comprendre la peine que j'en ressens, puisque je ne puis, en aucune manière, le récompenser de ce qu'il a fait pour moi. Hélas, ce n'est pas moi qui puis rien pour son bonheur. Écoute et plains ta pauvre sœur. » Le méprisable Marcius Alpinus, qui formait à Nicée des projets infâmes sur cette Théophanie devenue depuis la compagne d'Agathoclès, trouve actuellement qu'il ne serait pas mal à propos d'avoir pour beau-père le proconsul Lucius Pison. Depuis un soir qu'il me rencontra dans les rues de Nicomédie, et ce n'était pas moi qu'il cherchait, depuis ce jour-là, dis-je, il s'est déclaré mon admirateur et prétendant à m'épouser. Il m'a tourmenté par ses assiduités, et voyant qu'il n'obtenait de moi que le froid mépris qu'il mérite, il s'est adressé à mon père, à mon frère Quintus et à quelques amis. Je fus assailli de tous côtés par le récit ridicule de sa passion et des tourments de son cœur, de la grandeur et de la félicité qu'il me destinait si je cédais à ses vœux. Fatigué à l'excès de sa poursuite, n'étant pas en disposition de m'amuser de sa méchanceté ou de sa folie, je lui déclarai sans détour que jamais, fût-il empereur, je ne lui donnerais la main. Dans les commencements, j'avais été honnête avec lui, mais cet homme vain crut voir dans les ménagements que je gardais un penchant secret. Il eut l'audace de prendre avec moi un ton familier. Il me nommait sa belle Calpurnie, il en appelait à ses droits sur ma reconnaissance, il voulait les faire valoir, et peu à peu il prit avec moi le ton d'un amant favorisé. Mon indignation ne connut plus de bornes, et c'est dès lors que je lui témoignai ouvertement le profond mépris qu'il m'inspirait. Crois-tu que cet homme vil fut offensé ou troublé de mes refus? Pas du tout. Il éclata d'un rire si méchant qu'il me fit tressaillir d'horreur. Il s'inclina et me dit: « La colère sied sans doute à merveille à la belle Calpurnie. Elle augmente encore le piquant de ses attraits. Je la prie humblement, cependant, de ne pas oublier que celle qui court la nuit en habit d'homme, après un amant cruel qui la dédaigne, n'a plus le droit de parler sur ce ton à un homme qui veut bien passer là-dessus et qui a des intentions aussi honnêtes que si elle était sans reproche. » Jusqu'ici, je m'étais tu par égard pour celle à qui je voulais donner mon nom. Mais je ne puis en conscience renoncer à la fois à tous mes plaisirs, et puisqu'elle ne veut pas que j'aie celui d'être son époux, je veux, pour me dédommager, raconter au beau monde de Nicomédie l'histoire vraiment très risible de ses courses nocturnes. » Il s'inclina plus bas encore, et sortit sans que j'eusse prononcé un seul mot. La rage, la honte, la surprise m'avaient rendu muette. Ce ne fut que lorsque je ne le vis plus que je sentis quel danger courait ma réputation avec un être aussi méchant. J'étais dans une agitation extrême, je n'osais en parler à mon père, je redoutais son chagrin autant que son ressentiment, et je craignais que quelques mesures violentes, pour sauver l'honneur de sa fille, ne rendît la chose encore plus publique. Le soir du lendemain, Quintus entra dans ma chambre, le visage en feu et les yeux pleins de colère. L'abominable Marcius avait déjà exécuté ses menaces, et dans un repas nombre de ses amis de débauche et de gens plus considérés, il avait raconté mon histoire en me nommant ainsi qu'Agathoclès. Un des convives l'avait redit à mon frère comme une chose à laquelle il ne pouvait ajouter foi. Quintus, qui ne le croyait pas non plus, était horriblement irrité de ce qu'il appelait une atroce calomnie, et voulait aller à l'empereur pour qu'il obligeât Marcius à se rétracter. Je fus obligé, du moins, pour arrêter cette démarche, d'avouer que si c'était une méchanceté, ce n'était pas un mensonge. Ce fut alors contre moi que Quintus fut irrité. Je passai une nuit horrible. La suivante ne fut pas meilleure. Je tremblais à chaque pas que j'entendais, à chaque visite qu'on annonçait à mon père, supposant toujours que cette malheureuse histoire allait être le sujet de la conversation. Juge de mon étonnement lorsque tout à coup, le troisième jour, Marcius disparut de Nicomédie, déclarant, avant de partir, que toute l'histoire qu'il avait faite sur moi n'était qu'un badinage, un pari fait avec un de ses amis de persuader la chose la plus incroyable et qu'il se rétractait authentiquement. L'orage était donc apaisé, sans savoir comment, et ne pouvant comprendre ce qui avait pu engager Alpinus à une conduite si étrangère à son caractère. Mais quelques jours plus tard, le même centurion qui en avait parlé à Quintus lui dit qu'Agathoclès était parti en toute hâte de Saint-Iom, qu'il s'était rendu chez Marcius Alpinus, qu'il les avait entendus parler très vivement, que l'instant d'après, Marcius avait donné l'ordre de faire seller ses chevaux, et que ses gens devaient se tenir prêts à partir, que le même soir il quitta la ville après s'être rétracté, et qu'Agathoclès retourna ensuite à Saint-Iom. C'est donc lui, lui seul, qui a sauvé mon nom, c'est à lui que je suis redevable de ce bienfait, et il ne m'en parle point. Il me prive de lui témoigner ma reconnaissance, mais il ignore peut-être que je suis instruite de ce qu'il a fait pour moi. Oh, Lucius, est-il possible de le savoir, d'avoir été aux portes du bonheur, d'en être privée à jamais et de rester froide, indifférente? Nous nous reverrons peut-être bientôt, toi le plus aimé des frères. J'ai pris la ferme résolution, si le sort continue à me tourmenter et à abreuver ma vie de dégoût, de quitter le lieu où je suis arrivé sous une mauvaise étoile. Je prierai mon père de me renvoyer à Rome auprès de toi et de ma tante Sempronia. Là peut-être, et là seulement, tu retrouveras ta Calpurnie.